Chapitre 2. Le punch. Nous sommes à Paris, dans une chambre des plus modestes, au troisième étage d'un hôtel garni de la rue Soufflot, tout près de l'école de droit. Il est 5 heures du soir. Un rayon de soleil pénètre obliquement dans ce réduit, et tempère par ses reflets la monotone tristesse de 2 ou 3 meubles en bois de chêne que le temps a noirci. Sur une table encombrée de papiers et de livres, en face de la fenêtre entr'ouverte, où s'enroulent autour de fils de fer plusieurs tiges de volubilis, un jeune homme paraît donner toute son attention à des groupes de chiffres qu'il vient d'aligner sur une feuille de son agenda. Il fait une addition dont il raye aussitôt le résultat avec un mouvement d'impatience. Il recommence et probablement il n'arrive pas à un résultat plus satisfaisant, car il jette la plume avec colère et referme l'agenda. « Ce calcul n'est que trop exact, s'écrie-t-il les yeux fixés au plafond et le menton appuyé sur ses deux mains. « Quel gouffre, mon Dieu, quel gouffre! Mon père m'a envoyé il y a 3 mois à peine les 500 francs que je lui ai demandé. Il me reste aujourd'hui 50 francs au plus. 450 francs en 3 mois, et je me prive de tout. Pas une dépense superflue. Je ne vais ni au café, ni au spectacle. Je me rends ridicule à force de refuser d'accompagner mes camarades dans leur partie de plaisir. Quand on dépense forcé, il est impossible de les restreindre davantage. Mes vêtements, ainsi que Fulgence le disait hier encore, avec un sourire moqueur, sont d'une simplicité antique. Je prétexte des invitations pour ne pas aller avec les autres étudiants prendre mes repas chez les restaurateurs. Et je me contente ici de fruits et de fromages, quelquefois de pain sec. Tout mon argent passe à payer des inscriptions, des cours préparatoires, des examens. Hier encore, j'ai consigné pour ma thèse. Et les livres que j'oubliais? Cela coûte cher, les livres, sans compter que nos professeurs s'en font gloire d'en augmenter le nombre chaque année. Enfin, à force de sacrifices, mon père, en usant sa vie aux plus rudes travaux, parvient à subvenir aux frais de mes études. Je l'y aide de tout mon pouvoir en observant les règles de la plus rigoureuse économie, souvent même aux dépens de mon amour-propre. Dans quelques jours, je soutiens ma thèse, me voilà reçu avocat, c'est bien, mais après... Le jeune homme qui se livre aux réflexions qu'on vient de lire n'est autre que Clément Toussaint. Après, se demande-t-il encore? Et son regard, qui semble sonder l'avenir, prend une expression soucieuse. En ce moment, un autre jeune homme ouvre la porte, pénètre dans la chambre et va serrer la main de Clément. Il s'appelle Georges Duprat. Il est étudiant en droit et peut avoir environ 24 ans. Ses manières sont aisées, sa physionomie est ouverte. La bonté de son cœur se reflète dans son regard. Son costume, d'une élégance irréprochable, révèle la richesse de sa famille. Mais il le porte simplement, sans prétention. De tous les étudiants que Clément connaît, Georges est le seul avec qui il ait formé une liaison intime. Quoique pourtant il ne lui ait pas encore accordé sur tous les points une confiance sans réserve. Eh mon Dieu, que t'est-il arrivé, mon pauvre Clément? Comme tu as le visage triste et les yeux abattus, seras-tu malade? Plutôt au ciel, Georges, et d'une maladie qui ne me fit point languir. Veux-tu bien ne point parler ainsi? Je sais que tu as parfois des accès de mélancolie, mais je ne me souviens pas que tu en aies eu d'une teinte aussi sombre. La vie m'est pesante, je suis découragé. Découragé? Parce que le grand jour approche et que tu as peur? Tu ne te contentes pas, comme nous autres, simples mortels, de soutenir tant bien que mal une thèse plus ou moins banale. Tu veux faire sensation, tu aspires aux applaudissements, tu t'imagines qu'on ne te fera point la part assez large, et la fièvre te prend, vaniteux. Tu te trompes, Georges, ce n'est pas là le sujet de ma préoccupation. Qu'est-ce donc alors? Tu ne réponds pas? Si tu avais des secrets pour moi, je ne te regarderais plus comme un ami. Clément prit la main de Georges. Tu me juges mal. Eh bien, ouvre-moi ton cœur. Nos amis ne seront pas ici avant 6 heures. Il n'en est que 5. Nous avons le temps de causer. 10 ou 12 étudiants qui se disposaient à subir la dernière épreuve avaient pris, depuis quelques mois, l'habitude de se réunir le soir, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Dans ces réunions, on agitait les questions de droit les plus ardues. On expliquait, on discutait, on argumentait. C'était de véritables conférences. Le rendez-vous, et c'était le dernier, avait été pris ce soir-là chez Clément, qui devait ouvrir la série des thèses à soutenir. Georges poursuivit. « Tu as du chagrin. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je m'en aperçois. J'ai de l'inquiétude, voilà tout. Quelle inquiétude peut tourmenter ton esprit, si ce n'est celle dont je parlais tout à l'heure? Georges, tu sais que ma famille n'est pas riche. Tu m'as dit que ton père était un agronome gêné par le remboursement d'emprunts destinés à l'amélioration de son bien. » Clément baissa les yeux et rougit. Une fausse honte lui avait en effet suggéré ce mensonge. Vivant au milieu de fils d'avoués, de notaires, de négociants et de grands industriels, Jamais il ne s'était senti le courage d'avouer qu'il était fils d'un paysan. Et s'il n'avait pu cacher entièrement sa gêne à son ami le plus intime, il avait au moins voulu la colorer de façon à mettre à couvert son amour-propre. « Je ne vois pas, reprend Georges, que ce soit un grave sujet d'inquiétude pour toi. Le remboursement effectué, la gêne disparaîtra, et il ne restera plus qu'à jouir de l'amélioration. L'avenir est engagé pour plus longtemps que je ne te l'ai fait entrevoir, » répond Clément d'une voix sombre. « C'est triste sans doute, mais te voilà au bout de tes études. C'est vrai, je serai avocat dans 2 jours. » Et avec un sourire plein d'amertume. « Avocat, beau titre, et qui me conduira loin. Ce titre est toute votre ambition à vous autres. » Pour l'un, c'est le premier échelon de la magistrature, où ne manqueront point de le porter un jour la haute position de ses proches et le zèle de ses protecteurs. L'autre y voit un moyen d'obtenir dans le monde une certaine considération, ne pouvant écrire sur sa carte « duc, vicomte ou marquis ». Il s'en dédommage en mettant « avocat à la cour impériale de Paris ». Celui-ci a tout bonnement obéi, sans but aucun, à l'impulsion de ses parents, qui n'ont vu dans la connaissance du droit que le complément de son éducation. Celui-là se destine aux affaires publiques. Toi, tu as le projet d'entrer dans la diplomatie. Tous vous avez, derrière ce titre d'avocat, un but plus ou moins sérieux, plus ou moins éloigné, où vous visez à loisir, et que vous atteindrez parce que vous avez les moyens d'atteindre. Admettons que par hasard, vous ne l'atteignez point. Eh, mon Dieu, cela ne touche point à votre bien-être. Vous voilà tout consolé, au lieu que moi. Mais c'est mon but à moi. Mon but unique, ce titre d'avocat. Le lendemain du jour où l'on m'aura délivré mon diplôme, il faudra que je trouve une cause à plaider, sous peine de mourir de faim. Et cette cause ne me viendra pas si je n'inspire aucune confiance. Or, pour inspirer de la confiance, il faut se présenter grandement dans le monde, occuper un bel appartement dans un beau quartier, recevoir son client dans un cabinet somptueusement meublé. Que dit-on du poète, de l'artiste, du médecin, de l'avocat mal logé, mal nourri, mal vêtu? Ça n'a pas le sou, donc ça n'a pas de talent. Eh bien voilà ce qu'on dira de moi, mon ami. Et je ne verrai point à venir cette première cause, cette cause qui lance, qui fonde une réputation. Je plaiderai peut-être, ô mon Dieu. Oui, je trouverai des occasions de plaider. Veux-tu les connaître, ces occasions? Je ramasserai dans la salle des pas perdus quelque affaire ridicule dont personne n'aura voulu se charger. J'épuiserai mon éloquence à faire ressortir le côté dramatique d'un déménagement furtif, à mettre en relief la douleur d'une vieille douairière à qui l'on aura dérobé son chien, son chat ou son perroquet. Peut-être même aurais-je la bonne fortune d'appeler l'intérêt du tribunal sur quelque vagabond obscur qui, le soir, dînera mieux que son avocat qu'il n'aura point payé. Trouves-tu donc, Georges, que ce soit là une belle et rassurante perspective? Et si je suis inquiet, m'accuseras-tu de l'être sans motif? L'accent de Clément, son geste animé, l'ironie amère de son discours, dénotent une si triste conviction que Georges en est vivement ému. « Tes paroles m'affligent doublement, dit-il, car elles me prouvent que tu n'as pas foi dans mon amitié. »« Oh, je te comprends, interrompit Clément. Tu m'aimes en frère, vas-tu dire, et tu partageras en frère avec moi. »« Non, Georges, tu le voudras certainement, mais je n'accepterai pas. » »« Que ma fierté te paraisse ou non déplacée, je me suis promis de ne rien recevoir, même de toi, que je ne puisse rendre un jour. » Si un don t'offense, tu ne peux au moins refuser un prêt. Entrer dans la voie de l'emprunt, pas davantage. L'emprunt que je ferai serait sérieux, car je repousserai un présent déguisé sous ce nom pour ménager ma susceptibilité. Mes principes me feraient un devoir d'emprunter à échéance fixe et d'être exact au remboursement, comme avec le créancier le plus impitoyable. Ce serait dès lors une préoccupation de tous les jours, de tous les instants, qui me rendrait circonspect et timide, qui pèserait sur mon travail et paralyserait peut-être mes efforts à bien faire. Admettons, si tu le veux, que je ne pousse pas le rigorisme si loin. Mais que puis-je savoir où je m'arrêterai? Oserais-je répondre que, de remboursement en remboursement, d'emprunt en emprunt, je n'arriverai point à grever non seulement mon existence tout entière, mais encore celle de la femme qui aura confié son sort à ma loyauté, celle des enfants à qui le devoir m'impose de laisser un nom considéré, dont il n'est pas à payer la rançon. Si ton amitié pour moi est sincère, ne me parle donc pas plus de près que de présent. Laisse-moi me débattre avec mes seules forces dans cette grande lutte du monde, où tant d'autres d'ailleurs ont été, comme moi, jetés avec des armes inégales. Eh bien non, s'écrie Georges, il ne sera point dit que tu auras combattu sans mon aide, et comme cette fois il n'est pas question d'argent, tu ne saurais repousser mon offre. Explique-toi. Monsieur Dorvaux, mon oncle, est un des plus riches industriels de l'Anjou, et depuis 2 mois à Paris, où il vient de fonder une vaste entreprise par action. Un comité d'administration est à la tête de la compagnie, comme dans toutes les affaires de ce genre. Je ne crois pas qu'il soit encore constitué, ni par conséquent qu'il ait fait choix d'un avocat. le titre d'avocat d'une société importante, dont les membres s'adresseraient naturellement à toi pour leurs affaires particulières, te poserait avantageusement dès ton début, supprimerait toutes les lenteurs, aplanirait toutes les difficultés. Je ne doute point que, recommandé par mon oncle, tu n'obtiennes la préférence sur tes compétiteurs. Consens à te mettre sur les rangs, et je te présenterai dès demain à M. Dorvaux. » Clément sauta au cou de Georges. « Oh, pour cela j'accepte, mon ami, j'accepte avec reconnaissance. Il te faudra, pour décider ton oncle en ma faveur, garantir ma probité, mon dévouement, mon ardeur au travail. Sois tranquille, ta garantie est une lettre de change à laquelle je suis sûr de pouvoir toujours faire honneur. Cher Georges, quelle heureuse idée que tu as eue là, tu seras mon sauveur. » Quand les amis de Georges et de Clément arrivèrent, ce dernier avait secoué sa tristesse. L'espérance, en rentrant dans son âme, avait fait renaître la gaieté dans son regard et le sourire sur ses lèvres. Les soucis, à 20 ans, peuvent bien sillonner le front, mais l'empreinte est si légère qu'il suffit du moindre rayon de joie pour en effacer la trace. La conférence fut menée vivement. De tous ceux qui y prenaient part, Clément était en réalité le plus fort. Il apporta dans la discussion une lucidité, une chaleur, un entrain qui se communiquait à ses camarades. On aborda et on résolut les questions les plus épineuses à la satisfaction générale. On décida qu'après une pareille épreuve, on pouvait dormir dans une tranquillité parfaite sur le résultat des thèses. Dans l'enthousiasme où cet agréable pronostic jeta nos jeunes des servants de Thémis, départit tout à coup de la gravité de leur patronne. Il y en eut un qui s'écria « Silence, messieurs, je demande à faire une motion. »« Voyons, la motion de Bonnivet, » dirent les autres. Bonnivet reprit « Les anciens faisaient des libations en l'honneur des dieux, afin de se les rendre propices. Je propose qu'à l'exemple des anciens, nous fassions monter ici un punch monstre. » De pareilles motions avaient eu lieu déjà en d'autres circonstances. Clément les avait toujours éludées. Cette fois, la retraite était impossible. Il était chez lui et ne pouvait mettre ses amis à la porte. Bien plus, il était difficile que celui chez qui la motion se faisait n'en subît point les conséquences. Il ne pouvait donc se dispenser de payer de sa personne, de son domicile et de sa bourse, malheureusement si peu garnie. Trop fier pour laisser percer dans sa physionomie le moindre signe de contrariété, Clément répéta néanmoins après les autres « Appuyez, vous allez être servi. » Mais au moment où il se dirige vers la porte, Georges paraît suivi d'un garçon portant le punch qui venait d'être voté. Georges, dès les premiers mots prononcés par Bonnivet, avait compris quel allait être l'embarras de son ami, et pour prendre les devants, il s'était adroitement esquivé. De frénétiques applaudissements saluèrent l'entrée du punch. Les papiers et les livres sont jetés pêle-mêle dans un coin de la chambre. Le plateau est posé sur la table, autour de laquelle s'assoient les étudiants. Le feu est mis au punch. La flamme pétille. Les verres s'emplissent et se vident. Mille propos joyeux, étranges, bizarres, jaillissent de ces jeunes cerveaux doublement excités. Tout à l'heure par les ardeurs de l'étude, maintenant par le montant du liquide enflammé. Fulgence Dorvaux, que son cousin Georges avait introduit depuis peu dans la réunion, se lève et dit « Je demande la permission de prononcer une oraison funèbre. » Des éclats de rire accueillent cette proposition. « Voilà, » dit Sinclair, « une idée bouffonne. » Et tout à fait de circonstance, ajoute Bonnivet en agitant le punch. La flamme entretenue sur les autels des dieux infernaux devait avoir cette teinte lugubre. « L'oraison, l'oraison !» crirent plusieurs voix. « À condition, dit Georges, qu'elle se présente sous la forme d'un toast. »« Elle se présentera, » répliqua Fulgence, « sous la forme d'une épitaphe. »« Bravo, ce sera court. Voyons l'épitaphe. » Fulgence éleva son verre. « Sigis le dernier jour de la dernière inscription. » Avec lui tombent nos tyrans, Justinien, Potier, Delvincourt, Toulier, Carré, par-dessus. Avec lui s'abîme la chair monotone et le banc peu rembourré de l'école. Avec lui resplendit l'aurore de notre liberté. Que la thèse nous soit légère. Et tous, entrejetant leurs verres, répètent en chœur. Que la thèse nous soit légère. Cette plaisanterie, assez peu digne du succès qu'elle obtient, n'est pourtant pas la plus extravagante de la soirée. Plusieurs bols de punch ont succédé au premier. Les têtes s'échauffent de plus en plus. Les jeux de mots, les rires et les propositions folles se croisent dans tous les sens. Une voix domine soudain toutes les autres. C'est celle de Bonnivet. Messieurs, que nous ayons ce soir expédié vers le ciel nos vœux de candidats sur la flamme légère du punch de l'amitié, c'est bien. C'est simple, c'est suffisant. Mais le jour où nous aurons conquis le droit de secouer le dernier grain de poussière de l'école pour revêtir la toge, la toque et le rabat traditionnel, ce jour-là, dis-je, n'aurons-nous pas à rendre aux dieux de plus solennelles actions de grâce? J'opine pour que, à l'occasion de cet événement mémorable, nous confondions nos transports de joie dans les longs épanchements d'un banquet non moins délicat que fraternel. Adopté, adopté! Cette acclamation est sortie de toutes les bouches, celle de Clément exceptée. Nos lecteurs qui ont assisté à l'examen de son budget comprennent aisément le motif qui tient close les lèvres du pauvre étudiant. Georges aussi l'a deviné. Il a résolu d'être désormais la providence de son ami. « Non seulement, dit-il, j'appuie la motion de Bonnivet, mais je la complète. C'est moi qui vous offre le banquet proposé. Bravo, vive Georges Duprat !»« Je vous promets, poursuit Georges, un local vaste et bien éclairé, des mets nombreux et choisis, des vins fins non frelatés et des régalias à discrétion. Nota bene, ajoute Fulgence, un costume décent et de rigueur, comme au bal du Prado, fait Saint-Clair. À propos de Prado, reprend Bonnivet, nous sommes coupables, messieurs, d'une omission qui accuse notre profonde ingratitude dans le présent. » Et la fragilité de notre mémoire pour l'avenir. Au diable le moraliste Bonnivet, s'écrie Fulgence. Il est capable de nous proposer un toast en l'honneur de nos professeurs. À bas l'interrupteur, la parole est à Bonnivet. Conticuere omnes, identique ora tenebant. Je me tais et j'ouvre la bouche, réplique Fulgence en ingurgitant un verre de punch. Bonnivet continue de son ton le plus grave. Un souvenir, messieurs. Aussi filles aimables et légères, dont la main compatissante se plaît à joncher de fleurs, sous les pas parfois découragés de l'étudiant, des routes arides et rocailleuses de la science. Sexe charmant, j'adore ton empire. C'est Fulgence qui entonne ce refrain d'un vieil opéra comique, lequel est aussitôt répété en chœur avec une variété de tons et de mesures des plus réjouissantes. Tous les vers se remplis et levés à la hauteur des lèvres. Buvons à la santé, buvons à mesdames les étudiantes. Les regards brillent, les voix se mêlent. « Fille de ton banquet, Georges, s'il n'a pour l'illuminer l'éclat de leurs beaux yeux. Nous devons ce dernier adieu à nos infortunés Scalypsos. Puissent-elles ne pas attendre indéfiniment les Télémaques qui doivent les consoler ?»« Messieurs, dit Georges, nous sommes 12, il y aura 24 couverts. Bravo, bravissimo !» Georges Duprat est le roi des amis. « Si tu ne veux point qu'il y ait un siège vide, mon cher Georges, dit Clément, tu n'en feras mettre que 23. Pourquoi ?» Parce qu'il me serait impossible de faire occuper le 24e, la route que j'ai suivie n'ayant été jonchée d'aucune fleur. Défaite de jaloux. On n'est jaloux que du bien qu'on a. Et n'ayant rien dit Saint-Clair, Clément est tout bonnement un philosophe. À la façon du renard de La Fontaine, demande Fulgence. Et les épigrammes de tomber comme grêle sur Clément, qui se défend mal, accablé par le nombre. Parbleu, s'écrie Bonnivet, il faut avouer que ce Fulgence est un grand traître. J'exige la justification de l'épithète. Non seulement tu souffres que Clément se débatte seul contre nous tous, mais encore tu te joins à nous contre lui. Et pourquoi lui porterais-je secours, s'il vous plaît? Parce que qui se ressemble doit combattre ensemble. Les rires de se retourner sur Fulgence. La plaisanterie me paraît un peu risquée, dit-il en rougissant de dépit. Je lui crois le mérite de la vérité, dit Saint-Clair. Ainsi voilà, mon ami Georges, reprend Bonnivet, les 24 couverts réduits à 22. Pas plus de Madame Fulgence que de Madame Clément. Madame Fulgence est une ombre. Madame Fulgence est un mythe. Madame Fulgence connaît pas. C'est un nom qui n'a point cours à la Chaumière, ni à Valentino, ni au Château des Fleurs. Il est permis, réplique Fulgence, de porter ses regards au-delà de ces établissements vulgaires, pays des conquêtes faciles. Ah, diable, monsieur donne dans les duchesses, peut-être. Mais compliments à monsieur. À la santé de l'invisible duchesse Fulgence. Au milieu de ce feu roulant de propos railleurs, Fulgence s'agite impatiemment. On dirait que les piqûres faites à son amour-propre pénètrent plus avant encore que ne le supposent ses camarades. « Très bien, riez, riez, tant qu'il vous plaira. Vous parleriez d'un autre ton, si je vous la montrais, cette Madame Fulgence. Nous t'en défions. Vous m'en défiez ? Oui, oui. Mais où voulez-vous que je vous montre une personne qui ne fréquente ni le Château des Fleurs, ni le Prado, ni la Chaumière, ni la Closerie des Lilas ? Chansons, des fêtes, qu'elle paraisse au banquet. Elle n'a point d'habitude, répond Fulgence, qui commence à devenir pauvre, de s'asseoir à côté de vos déesses. Peut-être qu'elle se tient derrière ou debout, dit Bonnivet. La serviette d'une main, un plat de l'autre, ajoute Saint-Clair. Poulet sauté pour deux, la cervelle demandée. L'hilarité est au comble. Fulgence, poussée à bout, s'écrie. Vous la voulez? Eh bien, vous la verrez. Viva, viva! Et si vous ne la proclamez pas la plus belle, je consens à ne jamais approcher mes lèvres d'un verre de punch. Nous ne sommes pas exigeants, dit Bonnivet. Nous te promettons de ne la point contraindre à prendre place à notre table indigne. Quelle paresse, dit Saint-Clair, une minute seulement. Ne fût-ce qu'à la porte. Nous n'en demanderons pas davantage, et nous nous empresserons de faire amende honorable. Il suffit, messieurs, reprend Fulgence, elle paraîtra. Le dernier bol de punch est vide. Les têtes commencent à s'alourdir. On se serre les mains, on se sépare. À demain, dit Georges Clément, sois prêt de bonne heure. Je viendrai te prendre.